Chapitre 5. Divers incidents. Cependant, le docteur ne devait pas se hâter de quitter Gravosa, ainsi que pouvait le croire Madame Bathory. Après avoir vainement tenté de venir en aide à la mère, il s'était promis de venir en aide au fils. Si, jusqu'alors, Pierre Bathory n'avait encore pu trouver la situation à laquelle devaient le conduire ses brillantes études, il ne refuserait sans doute pas les offres que voulait lui faire le docteur. Lui créer une position digne de ses talents, digne du nom qu'il portait, ce ne serait plus une aumône, cela. Ce ne serait que la juste récompense due à ce jeune homme. Mais ainsi que l'avait dit Boric, Pierre Bathory était allé à Zara pour affaires. Le docteur, toutefois, ne voulut pas tarder à lui écrire. Il le fit le jour même. Sa lettre se borna à indiquer qu'il serait heureux de recevoir Pierre Bathory à bord de la Savarena, ayant à lui faire une proposition de nature à l'intéresser. Cette lettre fut mise à la poste de Gravosa et il n'y eut plus qu'à attendre le retour du jeune ingénieur. En attendant, le docteur continua de vivre, plus retiré que jamais, à bord de la goélette. La Savarena, mouillée au milieu du port, son équipage ne descendant jamais à terre, était aussi isolée qu'elle eût pu l'être au milieu de la Méditerranée ou de l'Atlantique. Originalité bien faite pour intriguer les curieux, reporters ou autres, qui n'avaient point renoncé à vouloir interviewer ce personnage légendaire, bien qu'ils ne pussent être admis à bord de son yacht, non moins légendaire que lui. Et comme Pointe Pescade et son compagnon, Cap Matifou, avaient liberté de manœuvre, ce fut en s'adressant à eux que le reportage essaya de tirer quelques éclaircissements dont les journaux eussent fait un si attrayant usage. On le sait, Pointe Pescade, c'était un élément de gaieté introduit à bord, avec l'agrément du docteur, cela va sans dire. Si Cap Matifou demeurait sérieux comme un cabestan dont il avait la force, Pointe Pescade riait et chantait toujours, vif comme la flamme d'un navire de guerre dont il avait la légèreté. Quand il ne courait pas dans la mâture, à la grande joie de l'équipage auquel il donnait des leçons de voltige, adroit comme un matelot, agile comme un mousse, il l'amusait par ses interminables saillies. Ah, le docteur Antekirt lui avait recommandé de garder sa bonne humeur. Eh bien, il la gardait, tout en la faisant partager aux autres. Il a été dit plus haut que Cap Matifou et lui avaient liberté de manœuvre. Cela signifie qu'ils étaient libres d'aller et de venir. Si l'équipage restait à bord, eux descendaient à terre quand cela leur convenait. De là cette propension toute naturelle des curieux à les suivre, à les circonvenir, à les interroger. Mais on ne faisait pas parler Pointe Pescade lorsqu'il voulait se taire, ou s'il parlait, c'était absolument pour ne rien dire. « Qu'est-ce que le docteur Antekirt ?»« Un fameux médecin, il vous guérit de toutes les maladies, même de celles qui viennent de vous emporter dans l'autre monde. »« Est-il riche ?»« Pas le sou, c'est moi, Pescade, qui lui donne son prêt tous les dimanches. »« Mais d'où vient-il ?»« D'un pays dont personne ne sait le nom. » Et où est-il situé, ce pays-là? Tout ce que je puis dire, c'est qu'il est borné au nord par pas grand-chose et au sud par rien du tout. Impossible de tirer d'autres renseignements du joyeux compagnon de Cap Matifou, qui, lui, demeurait muet comme un bloc de granit. Mais s'il ne répondait point à ces indiscrètes demandes des reporters, les deux amis ne laissaient pas de causer entre eux, et souvent, à propos de leur nouveau maître. Il l'aimait déjà, et il l'aimait bien. Il ne demandait qu'à se dévouer pour lui. Entre eux et le docteur, il se faisait comme une sorte d'affinité chimique, une cohésion qui de jour en jour les liait davantage. Et chaque matin, il s'attendait à être mandé dans sa chambre pour s'entendre dire « Mes amis, j'ai besoin de vous. » Mais rien ne venait à leur grand ennui. « Est-ce que cela va durer longtemps ainsi ?» dit un jour Pointe Pescade. « Il est dur de rester à ne rien faire, surtout quand on n'a pas été élevé à cela, mon Cap. »« Oui, les bras se rouillent, » répondit l'Hercule, en regardant ses énormes biceps, inoccupés comme les bielles d'une machine au repos. Dis donc, Cap Matifou. Que veux-tu que je te dise, Pointe Pescade? Sais-tu ce que je pense du docteur Antekirt? Non, mais dis-moi ce que tu en penses, Pointe Pescade. Cela m'aidera à te répondre. Eh bien, c'est que dans son passé, il y a des choses, ça se voit à ses yeux, qui lancent quelquefois des éclairs à vous aveugler. Et le jour où la foudre éclatera, oui, ça fera du bruit. Oui, Cap Matifou, du bruit et de la besogne. Et j'imagine que nous ne serons pas inutiles à cette besogne-là. Ce n'était pas sans raison que Pointe Pescade parlait de la sorte. Bien que le calme le plus complet régnât à bord de la goélette, l'intelligent garçon n'était pas sans avoir vu certaines choses qui donnaient à penser. Que le docteur ne fût pas un simple touriste, voyageant sur son yacht de plaisance à travers la Méditerranée, rien de plus évident. La Savarena devait être un centre auquel aboutissaient bien des fils, réunis dans la main de son mystérieux propriétaire. En effet, lettres et dépêches y arrivaient un peu de tous les coins de cette mer admirable, dont les flots baignent le rivage de tant de pays différents, aussi bien du littoral français ou espagnol que du littoral du Maroc, de l'Algérie et de la Tripolitaine. Qui les envoyait? Évidemment, des correspondants occupés de certaines affaires, dont la gravité ne pouvait être méconnue, à moins que ce ne fussent des clients qui demandaient quelques consultations par correspondance au célèbre docteur, ce qui paraissait peu probable. Au surplus, même dans les bureaux du télégraphe de Raguse, il eût été difficile de comprendre le sens de ces dépêches, car elles étaient écrites dans une langue inconnue dont le docteur semblait seul avoir le secret. Et quand même ce langage aurait été intelligible, qu'aurait-on pu conclure de phrases telles que les suivantes? Almeira, on croyait être sur les traces de ZR. Fausse piste maintenant abandonnée. Retrouver le correspondant de HV5, lié avec troupes de K3, entre Catane et Syracuse. À suivre. Dans le monde des radios, La Valette, Malte, est constaté le passage de TK7. Sirène. Attendons nouveaux ordres. Flottille d'Antec, prête. Électrique 3 reste sous pression jour et nuit. R03. Depuis mort au bagne, tous deux disparus. Et cet autre télégramme, pourtant une mention particulière au moyen d'un nombre convenu. 2117. Sark, autrefois courtier d'affaires. Service Toronto. Cesser rapport avec Tripoli d'Afrique. Puis, à la plupart de ces dépêches, c'est invariable réponse qui était envoyée de la Savarena. Que les recherches continuent. N'épargnez ni argent, ni soins. Adressez nouveaux documents. Il y avait là un échange de correspondances incompréhensible qui semblait mettre en surveillance tout le périple de la Méditerranée. Le docteur n'était donc point si inoccupé qu'il voulait bien le paraître. Toutefois, en dépit du secret professionnel, il était difficile que l'échange de telles dépêches ne fût pas connu du public. De là un redoublement de curiosité à l'endroit de ce personnage énigmatique. L'un des plus intrigués de la haute société ragusaine, c'était l'ancien banquier de Trieste. Silas Torontal, on ne l'a pas oublié, avait rencontré sur le quai de Gravosa le docteur Antekirt quelques instants après l'arrivée de la Savarena. Pendant cette rencontre, s'il y avait eu un vif sentiment de répulsion d'une part, de l'autre il s'était produit un sentiment non moins vif de curiosité. Mais jusqu'ici les circonstances n'avaient pas permis au banquier de la satisfaire. Pour dire le vrai, la présence du docteur avait fait sur Silas Torontal une très singulière impression que lui-même n'eût pu définir. Ce qu'on en répétait à Raguse, l'incognito dans lequel il semblait vouloir se renfermer, la difficulté d'être admis près de lui, tout cela était pour donner au banquier un violent désir de le revoir. Dans ce but, il s'était plusieurs fois rendu à Gravosa. Là, arrêté sur le quai, il regardait cette goélette, brûlant de l'envie d'aller à bord. Un jour même, il s'y était fait conduire et n'avait reçu que l'inévitable réponse du timonier. Le docteur Antekirt n'est pas visible. Il s'ensuivit donc chez Silas Torontal une sorte d'irritation à l'état chronique en présence d'un obstacle qu'il ne pouvait franchir. Le banquier eut alors la pensée de faire espionner le docteur pour son propre compte. Ordre fut donné à un agent, dont il était sûr, d'observer les pas et démarches du mystérieux étranger, même quand il se contentait de visiter Gravosa ou ses environs. Que l'on juge alors de l'inquiétude que dut éprouver Silas Dorontal lorsqu'il apprit que le vieux Boric avait eu un entretien avec le docteur et que celui-ci, le lendemain, était venu faire visite à Madame Bathory. « Qu'est-ce donc que cet homme ? » se demanda-t-il. Et pourtant, que pouvait avoir à craindre le banquier dans sa situation présente ? Depuis 15 ans, rien n'avait transpiré de ses machinations d'autrefois. Mais tout ce qui se rapportait à la famille de ceux qu'il avait trahis et vendus ne pouvait que l'inquiéter. Si le remords n'avait pas prise sur sa conscience, la crainte s'y glissait souvent, et la démarche de ce docteur inconnu, puissant par sa renommée, puissant par sa fortune, n'était pas pour le rassurer. « Mais quel est cet homme ? » répétait-il. « Qu'est-il venu faire à Raguse, dans la maison de Madame Bathory ? A-t-il été mandé comme médecin ? Enfin, que peut-il y avoir de commun entre elle et lui ?» À cela, pas de réponse possible. Toutefois, ce qui rassura un peu Silas Dorontal, après une minutieuse enquête, ce fut la certitude que la visite faite à Madame Bathory ne s'était pas renouvelée. Cependant, la résolution que le banquier avait prise d'entrer, coûte que coûte, en relation avec le docteur, n'en devint que plus tenace. Cette pensée l'obsédait jour et nuit. Il fallait mettre un terme à cette obsession. Par une sorte d'illusion que subissent les cerveaux surexcités, il se figurait que le calme renaîtrait en lui s'il pouvait revoir le docteur Antekirt, l'entretenir, connaître les motifs de son arrivée à Gravosa. Aussi cherchait-il à faire naître une occasion de le rencontrer. Il crut l'avoir trouvé. Voici à quel propos. Depuis quelques années, Madame Dorontal souffrait d'une maladie de langueur que les médecins de Raguse étaient impuissants à combattre. Malgré leurs soins, malgré ceux dont sa fille l'entourait, Madame Dorontal, bien qu'elle ne fût point encore alitée, dépérissait visiblement. Y avait-il à cet état une cause purement morale ? Peut-être bien, mais personne n'avait pu encore la pénétrer. Seul le banquier eût été à même de dire si sa femme, connaissant tout son passé, n'avait pas un invincible dégoût pour une existence qui ne pouvait que lui faire horreur. Quoi qu'il en soit, l'état de santé de Madame Dorontal, à peu près abandonné des médecins de la ville, parut être au banquier l'occasion qu'il cherchait de se retrouver en présence du docteur. Une consultation demandée, une visite à faire, celui-ci ne s'y refuserait pas, sans doute, ne fût-ce que par humanité. Silas Dorontal écrivit donc une lettre qu'il fit porter à bord de la Savarena par un de ses gens. « Il serait heureux, disait-il, d'avoir l'avis d'un médecin d'un si incontestable mérite. » Puis, tout en s'excusant du trouble que cela pouvait apporter dans une existence aussi retirée que la sienne, il priait le docteur Antekirt de lui indiquer le jour où il devrait l'attendre à l'hôtel du Stradon. Le lendemain, lorsque le docteur reçut cette lettre, dont il regarda tout d'abord la signature, pas un muscle de sa face ne tressaillit. Il la lut jusqu'à la dernière ligne, sans que rien trahît la nature des réflexions qu'elle devait lui suggérer. Quelle réponse allait-il faire ? Profiterait-il de cette occasion qui lui était offerte de pénétrer dans l'hôtel Dorontal ? De se mettre en rapport avec la famille du banquier ? Mais entrer dans cette maison, même à titre de médecin, n'était-ce pas y venir dans des conditions qui ne pouvaient aucunement lui convenir ? Le docteur n'hésita pas. Il répondit par un simple billet qui fut remis au domestique du banquier. Ce billet ne contenait que ceci. Le docteur Antekirt regrette de ne pouvoir donner ses soins à Madame Dorontal. Il n'est pas médecin en Europe. Rien de plus. Lorsque le banquier reçut cette laconique réponse, il froissa le billet avec un vif mouvement de dépit. Il était trop évident que le docteur refusait d'entrer en rapport avec lui. C'était un refus à peine déguisé, qui indiquait un parti pris chez ce singulier personnage. « Et puis, se dit-il, s'il n'est pas médecin en Europe, pourquoi a-t-il accepté de l'être pour Madame Bathory ? À moins que ce ne soit à tout autre titre qui s'est présenté chez elle. Qui venait-il faire alors ? Qu'y a-t-il entre eux ? Cette incertitude rongeait Silas Dorontal, dont la vie était absolument troublée par la présence du docteur à Gravosa, et le serait tant que la Savarena n'aurait pas repris la mer. Du reste, il ne dit rien à sa femme, ni à sa fille, de l'inutile requête qu'il avait adressée. Il tint à garder pour lui le secret de ses très réelles inquiétudes. Mais il ne cessa pas de faire surveiller le docteur, de manière à être au courant de toutes ses démarches à Gravosa comme à Raguse. Le lendemain matin, un autre incident allait encore lui donner un nouveau sujet d'alarme, non moins sérieux. Pierre Bathory était revenu de Zara, découragé. Il n'avait pu s'entendre au sujet de la position qui lui était offerte, une importante usine métallurgique à diriger dans l'Herzégovine. Les conditions n'étaient pas acceptables, se contenta-t-il de dire à sa mère. Madame Bathory regarda son fils sans vouloir lui demander pourquoi ces conditions étaient inacceptables. Puis elle lui remit une lettre, arrivée pour lui pendant son absence. C'était la lettre par laquelle le docteur Antekert priait Pierre Bathory de vouloir bien passer à bord de la Savarena afin de l'entretenir d'une affaire qu'il était de son intérêt de connaître. Pierre Bathory tendit la lettre à sa mère. Cette offre, faite par le docteur, ne pouvait la surprendre. « Je m'y attendais, » dit-elle. « Vous vous attendiez à cette proposition, ma mère ?» demanda le jeune homme, assez étonné de cette réponse. « Oui, Pierre, le docteur Antekert est venu me voir pendant ton absence. » « Savez-vous donc quel est cet homme dont on parle depuis quelque temps à Raguse ?»« Non, mon fils, mais le docteur Antekert connaissait ton père. Il a été l'ami du comte Sandorf et du comte Zatmar, et c'est à ce titre qu'il s'est présenté chez moi. »« Mère, » demanda Pierre Bathory, « quelle preuve ce docteur vous a-t-il donné qu'il ait été l'ami de mon père ?»« Aucune, » répondit Madame Bathory, qui ne voulait pas parler de l'envoi des 100 000 florins, dont le docteur devait garder le secret vis-à-vis du jeune homme. Et si c'était quelque intrigant, quelque espion, quelque agent de l'Autriche, reprit Pierre Bathory. Tu le jugeras, mon fils. Vous me conseillez donc d'aller le voir? Oui, je te le conseille. Il ne faut pas négliger un homme qui veut reporter sur toi toute l'amitié qu'il a eue pour ton père. Mais qu'est-il venu faire à Raguse? Reprit Pierre. A-t-il donc des intérêts dans le pays? Peut-être songe-t-il à s'en créer, répondit Madame Bathory. Il passe pour être extrêmement riche, et il est possible qu'il veuille t'offrir une situation digne de toi. J'irai le voir, ma mère, et je saurai ce qu'il me veut. Va donc dès aujourd'hui, mon fils, et rends-lui en même temps la visite que je ne peux lui rendre moi-même. Pierre Bathory embrassa Madame Bathory. Il la tint même longtemps serrée contre sa poitrine. On eût dit qu'un secret l'étouffait. Secret qu'il n'osait avouer sans doute. Qu'y avait-il donc dans son cœur de si douloureux, de si grave qu'il n'osa le confier à sa mère ? Mon pauvre enfant, murmura Madame Bathory. Il était 1 heure après-midi lorsque Pierre prit le Stradone pour descendre jusqu'au port de Gravosa. En passant devant l'hôtel Torontal, il s'arrêta un instant, rien qu'un instant. Ses regards se portèrent vers l'un des pavillons en retour dont les fenêtres s'ouvraient sur la rue. Les persiennes en étaient fermées. La maison eût été inhabitée, qu'elle n'aurait pas été plus close. Pierre Bathory reprit sa marche, qu'il avait plutôt ralentie qu'interrompue. Mais cela n'avait pu échapper au regard d'une femme qui allait et venait sur le trottoir opposé du Stradone. C'était une créature de grande taille. Son âge, entre 40 et 50 ans. Sa démarche, mesurée, presque mécanique, comme si elle eût été tout d'une pièce. Cette étrangère, sa nationalité se reconnaissait facilement à sa chevelure, brune encore et crépelée, et à son teint coloré de marocaine, était enveloppée dans une cape de couleur sombre, dont le capuchon recouvrait sa coiffure ornée de sequins. Était-ce une bohémienne, une gitane, une gypsy, une romanichelle, comme dit l'argot parisien, un être d'origine égyptienne ou hindoue? On eût pu le dire, tant ces types se ressemblent. En tout cas, elle ne demandait pas l'aumône, elle ne l'eût pas accepté sans doute. Elle était là pour son propre compte, ou pour le compte d'autrui, surveillant, espionnant, aussi bien ce qui se passait à l'hôtel Torontal que dans la maison de la rue Marinella. En effet, dès qu'elle eut aperçu le jeune homme qui descendait de Stradone en se dirigeant vers Gravosa, Elle le suivit de manière à ne jamais le perdre de vue, mais assez adroitement pour que son manège ne fût pas remarqué. Pierre Bathory, d'ailleurs, était trop absorbé pour observer ce qui se passait derrière lui. Lorsqu'il ralentit son pas devant l'hôtel Torontal, cette femme ralentit le sien. Lorsqu'il se remit en route, elle le suivit en réglant sa marche sur la sienne. Arrivé à la première enceinte de Raguse, Pierre Bathory la franchit assez rapidement, mais il ne distança pas l'étrangère. Au dehors de la poterne, elle le retrouva sur la route de Gravosa et, à 20 pas derrière lui, descendit l'avenue par la contre-allée plantée d'arbres. Au même moment, Silas Torontal, en voiture découverte, revenait à Raguse. Il fallait donc nécessairement qu'il se croisât avec Pierre Bathory sur la route. En les voyant tous deux, la Marocaine s'arrêta un instant. Peut-être pensa-t-elle que l'un allait aborder l'autre. Alors son regard s'alluma et elle chercha à se dissimuler derrière un gros arbre. Mais si ces deux hommes se parlaient, comment pourrait-elle les entendre? Il n'en fut rien. Silas Torontal avait aperçu Pierre une vingtaine de pas avant d'arriver en face de lui. Cette fois, il ne lui répondit même pas par ce salut hautain dont il n'avait pas pu se dispenser sur le quai de Gravosa lorsque sa fille l'accompagnait. Il détourna la tête au moment où le jeune homme soulevait son chapeau et sa voiture l'emporta rapidement vers Raguse. L'étrangère n'avait rien perdu de cette scène. Une sorte de sourire anima sa face impassible. Quant à Pierre Bathory, évidemment plus attristé qu'irrité des façons d'agir de Silas Torontal, il continua sa route d'un pas moins rapide, sans se retourner. La Marocaine le suivit de loin, et on eût pu l'entendre murmurer ces mots en langue arabe. « Il est temps qu'il vienne !» Un quart d'heure après, Pierre arrivait sur les quais du port de Gravosa. Pendant quelques instants, il s'arrêta pour regarder l'élégante goélette dont le guidon se développait légèrement à la brise de mer en tête du grand mât. « D'où peut venir ce docteur Antekirt ?» se répétait-il. « Voilà un pavillon qui m'est inconnu. » Puis, s'adressant à un pilote qui se promenait sur le quai, « Mon ami, savez-vous quel est ce pavillon ?» lui demanda-t-il. Le pilote ne le connaissait pas. Tout ce qu'il pouvait dire de la goélette, c'est que sa patente portait qu'elle venait de Brindisi et que ses papiers, visités par l'officier de port, avaient été trouvés en règle. Or, comme il s'agissait d'un yacht de plaisance, l'autorité avait respecté son incognito. Pierre Bathory appela alors une embarcation et se fit conduire à bord de la Savarena pendant que la Marocaine, extrêmement surprise, le regardait s'éloigner. Un instant après, le jeune homme mettait pied sur le pont de la goélette et demandait si le docteur Antekirt était à bord. Sans doute, la consigne qui défendait à tout étranger l'accès de la Savarena n'était pas faite pour lui. Aussi, le maître d'équipage répondit-il que le docteur se trouvait dans sa chambre. Pierre Bathory présenta sa carte en demandant si le docteur pouvait le recevoir. Un timonier prit la carte et descendit par l'échelle de capot qui conduisait au salon de l'arrière. Une minute après, ce timonier remontait en disant que le docteur attendait M. Pierre Bathory. Le jeune homme fut aussitôt introduit dans un salon où ne pénétrait qu'un demi-jour tamisé par les rideaux légers de la claire-voie. Mais lorsqu'il arriva à la porte, dont les deux battants étaient ouverts, la lumière que renvoyaient les glaces du panneau de fond l'éclaira vivement. Dans la pénombre se tenait le docteur Antekirt, assis sur un divan. À cette apparition du fils d'Étienne Bathory, il éprouva une sorte de saisissement dont Pierre ne put s'apercevoir, et ses mots s'échappèrent pour ainsi dire de ses lèvres. « C'est lui, c'est tout lui !» Et en effet, Pierre Bathory était bien le portrait vivant de son père, tel que le noble hongrois avait dû être à l'âge de 22 ans. Même énergie dans les yeux, même noblesse d'attitude, même regard, prompt à s'enthousiasmer pour le bien, le vrai, le beau. « Monsieur Bathory, dit le docteur en se levant, « je suis très heureux que vous ayez bien voulu vous rendre à l'invitation que contenait ma lettre. » Et sur un geste qui lui fut fait, Pierre Bathory s'assit à l'autre angle du salon. Le docteur, en parlant, avait employé cette langue hongroise qu'il savait être celle du jeune homme. « Monsieur, dit Pierre Bathory, je serais venu vous rendre la visite que vous avez faite à ma mère, quand bien même je n'aurais pas été invité à me rendre à votre bord. Je sais que vous êtes l'un de ces amis inconnus auquel est chère la mémoire de mon père et des deux patriotes qui sont morts avec lui. Je vous remercie de leur avoir conservé une place dans votre souvenir. » En évoquant ce passé, si lointain déjà, en parlant de son père, de ses amis, le comte Mathias Sandorff et Ladislas Zatmar, Pierre ne put cacher son émotion. « Je vous demande pardon, monsieur, » dit-il. « En me rappelant ce qu'ils ont fait, je ne puis... » Ne sentait-il donc pas que le docteur Antekirt était plus ému que lui, peut-être, et que s'il ne répondait pas, c'était pour ne rien laisser voir de ce qui se passait dans son âme ?« Monsieur Bathory, » dit-il enfin, « je n'ai point à vous pardonner une douleur si naturelle. D'ailleurs, vous êtes de sang hongrois, et quel enfant de la Hongrie serait assez dénaturé pour ne pas sentir son cœur se serrer à de tels souvenirs. À cette époque, il y a 15 ans, oui, il y a déjà 15 ans, vous étiez bien jeune. À peine si vous pouvez dire que vous ayez connu votre père et les événements auxquels il a pris part. « Ma mère est un autre lui-même, monsieur, » répondit Pierre Bathory. « Elle m'a élevé dans le culte de celui qu'elle n'a cessé de pleurer. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a tenté, toute cette vie de dévouement envers les siens, de patriotisme envers son pays, je l'ai su par elle. Je n'avais que 8 ans lorsque mon père est mort, mais il me semble qu'il est toujours vivant, puisqu'il revit dans ma mère. Vous aimez votre mère comme elle mérite d'être aimée, Pierre Bathory, répondit le docteur Antekirt, et nous la vénérons, comme la veuve d'un martyr. Pierre ne put que remercier le docteur des sentiments qu'il exprimait ainsi. Le cœur lui battait à l'entendre, et il ne remarqua même pas qu'il parlait toujours avec une sorte de froideur, naturelle ou voulue, qui semblait être le fond de son caractère. « Puis-je vous demander, reprit-il, si vous avez personnellement connu mon père ?»« Oui, monsieur Bathory, répondit le docteur, non sans une certaine hésitation. Mais je ne l'ai connu que comme un étudiant peut connaître un professeur qui fut l'un des plus distingués des universités hongroises. J'ai fait mes études de sciences médicales et physiques dans votre pays. J'ai été l'élève de votre père, qui n'était plus âgé que moi que d'une dizaine d'années seulement. J'ai appris à l'estimer, à l'aimer, car je sentais vibrer dans ses enseignements tout ce qui en a fait plus tard un ardent patriote. Et je ne le quittais qu'au moment où je dus aller finir à l'étranger des études commencées en Hongrie. Mais peu de temps après, le professeur Étienne Bathory venait de sacrifier sa position aux idées qu'il croyait nobles et justes, sans qu'aucun intérêt privé pût l'arrêter dans la voie du devoir. C'est à cette époque qu'il abandonna Presbourg pour venir s'établir à Trieste. Votre mère l'avait soutenu de ses conseils, entouré de ses soins, pendant ce temps d'épreuve. Elle possédait toutes les vertus de la femme, comme votre père a eu toutes les vertus de l'homme. Vous me pardonnerez, monsieur Pierre, de vous rappeler ces douloureux souvenirs. Et si je l'ai fait, c'est que vous n'êtes point de ceux qui les peuvent oublier. « Non, monsieur, non, » répondit le jeune homme avec l'enthousiasme débordant de son âge. « Pas plus que la Hongrie n'oubliera jamais les 3 hommes qui se sont sacrifiés pour elle. Ladislas Zatmar, Étienne Bathory, et le plus audacieux peut-être, le comte Mathias Sandorff. « S'il fut le plus audacieux, » répondit le docteur, « croyez que ses 2 amis ne lui furent inférieurs ni en dévouement, ni en sacrifice, ni en courage. Tous 3 ont droit au même respect. » Tous 3 ont le même droit à être vengés. » Le docteur s'arrêta. Il se demandait si Madame Bathory avait fait connaître à Pierre les circonstances dans lesquelles les chefs de la conspiration avaient été livrés, si elle avait prononcé devant lui ce mot de trahison. Mais le jeune homme ne le releva pas. En réalité, Madame Bathory s'était tue à ce sujet. Sans doute, elle n'avait pas voulu mettre cette haine dans la vie de son fils et le lancer peut-être sur de fausses pistes, puisque personne ne connaissait le nom des traîtres. Le docteur se crut donc, quant à présent, obligé à la même réserve, et il n'insista pas. Ce qu'il n'hésita pas à dire, c'est que, sans l'acte odieux de cet Espagnol qui avait livré les fugitifs recueillis dans la maison du pêcheur Andrea Ferrato, très probablement le comte Mathias Sandorff et Étienne Bathory eussent échappé à la poursuite des agents de Rovigno. Et une fois au-delà des frontières autrichiennes, en n'importe quelle contrée, toutes les portes se fussent ouvertes pour les recevoir. « Chez moi, ajouta-t-il, ils auraient trouvé un refuge qui ne leur eût jamais fait défaut. « En quel pays, monsieur ?» demanda Pierre. « À Céphalonie, où je demeurais à cette époque. » « Ah oui, dans les îles Ioniennes, sous la protection du pavillon grec, ils auraient été sauvés et mon père vivrait encore. » Pendant quelques instants, la conversation fut interrompue par ce retour vers le passé. Mais le docteur la reprit en disant « Monsieur Pierre, nos souvenirs nous ont emportés bien loin du présent. Voulez-vous que nous en parlions maintenant, et surtout de l'avenir que j'entrevois pour vous ?»« Je vous écoute, monsieur, » répondit Pierre. « Dans votre lettre, vous m'avez fait comprendre qu'il s'agissait de mes intérêts, peut-être. »« En effet, monsieur Bathory, et si je n'ignore pas quel a été le dévouement de votre mère pendant la jeunesse de son fils, je sais aussi que vous avez été digne d'elle, et qu'après de si rudes épreuves, vous êtes devenu un homme. »« Un homme ?» répondit Pierre Bathory, non sans amertume. « Un homme qui n'a pas encore pu se suffire à lui-même, ni rendre à sa mère ce qu'elle a fait pour lui. » « Sans doute, répondit le docteur, mais la faute n'en est point à vous. Combien il est difficile de se faire une situation au milieu de cette concurrence qui met tant de rivaux à se disputer si peu de place, je ne puis l'ignorer. Vous êtes ingénieur ? Oui, monsieur, je suis sorti des écoles avec ce titre, mais ingénieur libre, n'ayant aucune attache avec l'État. J'ai donc dû chercher à me placer dans quelque société industrielle, et jusqu'ici, je n'ai rien trouvé qui pût me convenir, du moins à Raguse. Et au dehors ? Au dehors ? Répondit Pierre Bathory, en hésitant un peu devant la question. Oui, n'est-ce pas à propos d'une affaire de ce genre que vous êtes allé à Zara, il y a quelques jours ? On m'avait parlé en effet d'une situation que pouvait m'offrir une société métallurgique. Et cette place ? On me l'a offerte. Et vous ne l'avez pas acceptée ? J'ai dû la refuser, parce qu'il s'agissait d'aller s'établir définitivement en Herzégovine. En Herzégovine, où Madame Bathory n'aurait peut-être pu vous accompagner ? Ma mère, monsieur, m'aurait suivi partout où mon intérêt m'eût obligé d'aller. « Eh bien, pourquoi ne pas avoir accepté cette place ? » demanda le docteur en insistant. « Monsieur, répondit le jeune homme, dans les circonstances où je me trouve, j'ai des raisons sérieuses pour ne point quitter Raguse. » Le docteur, pendant qu'il lui faisait cette réponse, avait remarqué un certain embarras dans l'attitude de Pierre Bathory. Sa voix tremblait en exprimant ce désir, mieux que ce désir, cette résolution de ne pas abandonner Raguse. Quel était donc le si grave motif pour lequel il refusait les propositions qui lui avaient été faites ? « Voilà qui rendra inacceptable, reprit le docteur Antekirt, l'affaire dont je voulais vous parler. Il s'agissait de partir ? Oui, pour un pays où je fais exécuter des travaux considérables que j'aurais été heureux de mettre sous votre direction. Je le regrette, monsieur, mais croyez que si j'ai pris cette résolution... Je le crois, monsieur Pierre, et je le regrette plus que vous, peut-être. J'aurais été si heureux de pouvoir reporter sur vous toute l'affection que j'avais pour votre père. » Pierre Bathory ne répondit pas. En proie à une lutte intérieure, il était visible qu'il souffrait, et beaucoup. Le docteur sentait qu'il eût voulu parler et qu'il n'osait le faire. Mais enfin, une irrésistible impulsion poussa Pierre Bathory vers cet homme qui montrait tant de sympathie pour sa mère et pour lui. « Monsieur, monsieur, » dit-il avec une émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler, « non, ne croyez pas qu'un caprice, un entêtement, me font vous répondre par un refus. Vous m'avez parlé comme un ami d'Étienne Bathory. Vous voulez reporter toute cette amitié sur moi. Moi aussi, je le sens, bien que je ne vous connaisse que depuis quelques instants. Oui, j'éprouve pour vous, monsieur, toute l'affection que j'aurais eue pour mon père. » « Pierre, mon enfant !» s'écria le docteur en saisissant la main du jeune homme. « Oui, monsieur, » reprit Pierre Bathory, « et je vous dirai tout. J'aime une jeune fille de cette ville. Entre nous deux, il y a l'abîme qui sépare la pauvreté de la richesse. Mais je n'ai pas voulu voir cet abîme, et peut-être elle aussi ne l'a-t-elle pas vue. Si rarement que je puisse l'apercevoir, soit dans la rue, soit à sa fenêtre, c'est un bonheur auquel je n'aurais pas la force de renoncer. À l'idée qu'il me faudrait partir, et partir pour longtemps, je deviendrais fou. Ah, monsieur, comprenez-moi, et pardonnez-moi de refuser. » « Oui, Pierre, » répondit le docteur Antekirt, « je vous comprends, et je n'ai rien à vous pardonner. Vous avez bien fait de me parler en toute franchise, et voilà une circonstance qui change bien les choses. Votre mère sait-elle ce que vous venez de m'apprendre ? Je ne lui ai encore rien dit, monsieur. Je n'ai pas osé, parce que, dans notre modeste position, peut-être eût-elle eu la sagesse de m'ôter tout espoir. Mais peut-être a-t-elle deviné et compris ce que je souffrais, ce que je devais souffrir. « Pierre, dit le docteur, vous avez mis votre confiance en moi et vous avez eu raison. Cette jeune fille est riche ?»« Très riche, trop riche, répondit le jeune homme. Oui, trop riche pour moi. »« Elle est digne de vous ? Ah, monsieur, aurais-je pensé à donner à ma mère une fille qui ne fût pas digne d'elle ?»« Eh bien, Pierre, reprit le docteur, peut-être n'y a-t-il pas d'abîme qui ne puisse être franchi ?»« Monsieur, s'écria le jeune homme, ne me donnez pas un espoir irréalisable. » Irréalisable ? Et l'accent avec lequel le docteur Antekirt prononça ce mot indiquait une telle confiance en lui-même que Pierre Bathory fut comme transformé, qu'il se crut maître du présent, maître de l'avenir. « Oui, Pierre, reprit le docteur, ayez confiance en moi. Lorsque vous le jugerez convenable et pour que je puisse agir, vous me direz le nom de cette jeune fille. » « Monsieur, répondit Pierre Bathory, pourquoi vous le cacherais-je ? C'est mademoiselle Torontal. » L'effort que dut faire le docteur pour rester calme en entendant ce nom détesté, ce fut celui d'un homme au pied duquel tombe la foudre et qui ne tressaille même pas. Un instant, quelques secondes seulement, il resta immobile et muet. Puis, sans que sa voix trahît aucune émotion, « Bien, Pierre, bien, dit-il, laissez-moi songer à tout ceci. Laissez-moi voir. » Je me retire, monsieur, répondit le jeune homme en serrant la main que lui tendait le docteur, et permettez-moi de vous remercier comme je remercierais mon père. Pierre Bathory quitta le salon dans lequel le docteur demeura seul. Il remonta sur le pont, reprit son canot qui l'attendait à la coupée, se fit débarquer au môle et reprit la route de Raguse. L'étrangère qui l'avait attendu pendant toute sa visite à bord de la Savarena se remit à le suivre. Pierre Bathory sentait en lui-même comme un immense apaisement. Enfin, son cœur s'était ouvert. Il avait pu se confier à un ami, plus qu'un ami peut-être. Il était dans un de ces jours heureux dont la fortune se montre si avare ici-bas. Et comment en aurait-il douté lorsqu'en passant devant l'hôtel du Stradon, à l'une des fenêtres du pavillon, il vit un coin du rideau se soulever légèrement, puis retomber aussitôt. Mais l'étrangère, elle aussi, avait vu ce mouvement. Et jusqu'au moment où Pierre Bathory eut disparu, en tournant la rue Marinella, elle resta immobile devant l'hôtel. Puis elle se rendit au bureau du télégraphe et lança une dépêche qui ne contenait que ce mot. « Viens !» L'adresse de cette dépêche était ainsi libellée. « Sarcani, bureau restant, Syracuse, Sicile. » Chapitre 6. Les bouches de Cattaro. Ainsi, la fatalité qui joue un rôle prédominant dans les événements de ce monde avait réuni en cette même ville de Raguse la famille Bathory et la famille Torontal. Non seulement elles les avaient réunies, mais rapprochées l'une de l'autre, elles habitaient ce même quartier du Stradon. Puis, Sava Torontal et Pierre Bathory s'étaient vus, rencontrés, aimés. Pierre, le fils de l'homme qu'une délation avait envoyé à la mort, Sava, la fille de l'homme qui avait été le délateur. Voilà ce que se disait le docteur Antekirt, après que le jeune ingénieur l'eut quitté. Et Pierre s'en va plein d'espoir, répétait-il. Et cet espoir qu'il n'avait pas encore, c'est moi qui viens de le lui donner. Le docteur était-il homme à entreprendre une lutte sans merci contre cette fatalité ? Se sentait-il la puissance de disposer à son gré des choses humaines ? Cette force, cette énergie morale qu'il faut pour mater la destinée, ne lui manquerait-elle pas ? Non, je lutterai, s'écria-t-il. Un tel amour est odieux, criminel. que Pierre Bathory, devenu le mari de la fille de Silas Torontal, apprenne un jour la vérité. Il ne pourrait même plus venger son père. Il n'aurait plus qu'à se tuer de désespoir. Aussi, je lui dirai tout, s'il le faut. Je lui dirai ce que cette famille a fait à la sienne. Cet amour, n'importe comment, je le briserai. En effet, une telle union eût été monstrueuse. On ne l'a pas oublié. Dans sa conversation avec Madame Bathory, le docteur Antekirt avait raconté que les trois chefs de la conspiration de Trieste avaient été victimes d'une machination abominable qui s'était révélée au cours des débats et qu'une indiscrétion d'un des gardiens du donjon de Picino lui avait fait connaître. On sait encore que Madame Bathory, et pour certaines raisons, n'avait encore rien dit de cette trahison à son fils. D'ailleurs, elle n'en connaissait pas les auteurs. Elle ignorait que l'un d'eux, riche et considéré, demeure à Taraguse, à quelques pas dans le Stradone. Le docteur ne les lui avait pas nommés. Pourquoi ? Sans doute parce que l'heure n'était pas venue de les démasquer. Mais il les connaissait. Il savait que Silas Torontal était l'un de ses traîtres et Sarcani l'autre. Et s'il n'avait pas été plus loin dans ses confidences, c'est qu'il comptait sur le concours de Pierre Bathory. C'est qu'il voulait associer le fils à l'œuvre de justice qui devait atteindre les meurtriers de son père et venger avec lui ses deux compagnons, Ladislas Zatmar et le comte Mathias Sandorf. Et voilà ce qu'il ne pouvait plus dire au fils d'Étienne Bathory sans le frapper au cœur. « Peu importe, répéta-t-il, ce cœur je le briserai. » Ce parti bien arrêté, comment agirait le docteur Antekirt ? Révéler à Madame Bathory ou à son fils le passé du banquier de Trieste ? Mais possédait-il les preuves matérielles de sa trahison ? Non, puisque Mathias Sandorf, Étienne Bathory et Ladislas Zatmar, les seuls qui eussent jamais eu ces preuves, étaient morts. Répandre dans la ville le bruit de cet acte abominable sans en prévenir la famille Bathory ? Oui, cela eût suffi, sans doute, à creuser un nouvel abîme entre Pierre et la jeune fille, abîme infranchissable cette fois. Mais le secret divulgué, n'était-il pas à craindre que Silas Torontal ne cherchât à quitter Raguse ? Or, le docteur ne voulait pas que le banquier disparût. Il fallait que le traître restât à la disposition du justicier lorsque viendrait l'heure de la justice. Et à ce propos, les événements devaient tourner tout autrement qu'il ne l'imaginait. Après avoir pesé le pour et le contre de la question, le docteur, n'étant pas en mesure d'agir directement contre Silas Torontal, résolut d'aller au plus pressé. Avant tout, il fallait arracher Pierre Bathory de cette ville où l'honneur de son nom était en péril. Oui, il saurait l'entraîner si loin que personne ne pourrait retrouver ses traces. Quand il le tiendrait en son pouvoir, il lui dirait tout ce qu'il savait de Silas Torontal et de Sarcani, son complice. Il l'associerait à son œuvre. Mais il n'avait pas un seul jour à perdre. C'est dans ce but qu'une dépêche du docteur fit venir de son port d'attache aux bouches de Cataro, dans le sud de Raguse, sur l'Adriatique, l'un de ses plus rapides engins de locomotion. C'était un de ces prodigieux Thornycroft qui ont servi de modèle aux torpilleurs modernes. Ce long fuseau d'acier, long de 41 mètres, jaugeant 70 tonneaux sans mât ni cheminée, portant simplement une plateforme extérieure et une cage métallique avec hublot lenticulaire destiné à l'homme de barre hermétiquement fermé quand l'état de la mer l'exigeait, pouvait se glisser entre deux eaux sans perdre ni temps ni route à suivre les ondulations de la houle. Aussi, d'une marche supérieure à tous les torpilleurs de l'ancien et du nouveau monde, enlevait-il aisément ses 50 km à l'heure. Grâce à cette vitesse excessive, en maintes occasions déjà, le docteur avait pu accomplir des traversées extraordinaires. De là ce don d'ubiquité qu'on lui avait attribué, quand, à de très courts intervalles de temps, il accourait du fond de l'archipel aux dernières limites de la mer des Sirtes. Toutefois, une notable différence entre les Thornycroft et les appareils du docteur, c'est qu'au lieu de la vapeur surchauffée, c'était l'électricité qu'il employait à les mouvoir au moyen de puissants accumulateurs inventés par lui et dans lesquels il pouvait emmagasiner ce fluide sous une tension pour ainsi dire infinie. Aussi ces rapides engins portaient-ils le nom d'électrique avec un simple numéro d'ordre. telle était l'électrique 2 qui venait d'être mandée aux bouches de Cattaro. Puis, ses ordres donnés, le docteur attendit le moment d'agir. En même temps, il prévint Pointe-Pescade et Cap Matifou qu'il aurait très prochainement besoin de leur service. Si les deux amis furent heureux d'avoir enfin à faire preuve de dévouement, il est inutile d'y insister. Un nuage, un seul, jeta quelque ombre sur la joie avec laquelle ils accueillirent cette proposition. Pointe-Pescade devait rester à Raguse afin de surveiller l'hôtel du Stradone et la maison de la rue Marinella, tandis que Cap Matifou allait suivre à Cattaro le docteur Antekirt. Ce serait donc une séparation, la première depuis tant d'années que ces deux compagnons de misère avaient vécu côte à côte. De là une touchante inquiétude de Cap Matifou, en songeant qu'il n'aurait plus près de lui son petit Pescade. « Patience, mon Cap, patience !» lui avait dit Pointe-Pescade. « Ça ne durera pas. Le temps de jouer la pièce et ce sera fait. Car si je ne me trompe, c'est une fameuse pièce que l'on prépare, et avec un non moins fameux directeur qui nous y réserve un fameux rôle à chacun. Crois-moi, tu ne te plaindras pas du tien. »« Tu penses ? » ?»« J'en suis sûr. Ah, pas les amoureux, par exemple. Ce n'est pas dans ta nature, bien que tu sois sentimental en diable. Pas les traîtres non plus. Tu as une autre bonne grosse figure pour cela. Non, tu seras le bon génie qui vient au dénouement punir le vice et récompenser la vertu. » « Comme dans les parades ? » répondit Cap Matifou. « Oui, comme dans les parades. Oui, je te vois dans ce rôle-là, mon Cap. Au moment où le traître s'y attend le moins, tu apparais avec tes larges mains ouvertes, et tu n'as qu'à les refermer pour amener le dénouement. Si le rôle n'est pas long, il est sympathique. Et quel bravo, quel argent tu feras par-dessus le marché !» « Oui, sans doute, répondit l'Hercule, mais en attendant, il va falloir se séparer. » « Oh, seulement quelques jours. Mais promets-moi de ne pas te laisser dépérir pendant mon absence. Fais bien exactement tes 6 repas et engraisse, mon Cap. Et maintenant, serre-moi dans tes bras, ou plutôt fais semblant, comme au théâtre, car tu risquerais de m'étouffer. » « Ah, dame, il faut prendre l'habitude de jouer la comédie en ce monde. Embrasse-moi encore une fois, et n'oublie pas ton petit Pointe-Pescade qui n'oubliera jamais son gros Cap Matifou. » Tels furent les émouvants adieux de ces deux amis lorsqu'ils durent se séparer l'un de l'autre. Vraiment, Cap Matifou avait le cœur oppressé dans son énorme poitrine quand il se retrouva seul à bord de la Savarena. Le jour même, par ordre du docteur, son compagnon s'était installé à Raguse avec mission de ne point perdre de vue Pierre Bathory, de surveiller l'hôtel Torontal et de se tenir au courant de tout. Pendant ces longues heures que Pointe-Pescade allait passer dans le quartier du Stradone, il aurait dû se rencontrer avec cette étrangère qui avait été certainement chargée de la même mission que lui. Et sans doute cette rencontre se fut produite si la Marocaine, après avoir lancé sa dépêche, n'eût quitté Raguse pour se rendre en un lieu de rendez-vous convenu d'avance où Sarkany devait la rejoindre. Pointe-Pescade ne fut donc point gêné dans ses opérations et put remplir ce mandat de confiance avec son intelligence habituelle. Certes, Pierre Bathory n'aurait jamais imaginé qu'il fût surveillé de si près, ni deviné qu'aux yeux de cette espionne se fussent substitués les yeux de Pointe-Pescade. Après sa conversation avec le docteur, après l'aveu qu'il lui avait fait, il s'était senti plus confiant. Pourquoi, maintenant, eût-il caché à sa mère, quoique ce fût de l'entretien qu'il venait d'avoir à bord de la Savarena ? N'aurait-elle pas lu dans son regard et jusque dans son âme ? N'eût-elle pas compris qu'un changement venait de se faire en lui ? Que le chagrin, le désespoir, avait fait place à l'espérance et au bonheur ? Pierre Bathory avoua donc tout à sa mère. Il lui dit quelle était cette jeune fille qu'il aimait. Comment c'était pour elle qu'il avait refusé de quitter Raguse. Peu importait sa situation à lui. Le docteur Antekirt ne lui avait-il pas dit d'espérer ? Voilà donc pourquoi tu souffrais tant, mon enfant, répondit Madame Bathory. Que Dieu te vienne en aide et qu'il reporte sur toi tout le bonheur qui nous a manqué jusqu'ici. Madame Bathory vivait très retirée dans sa maison de la rue Marinella. Elle n'en sortait que pour aller à la messe avec son vieux serviteur, lorsqu'elle accomplissait ses devoirs religieux avec cette piété pratiquante et austère des Hongroises catholiques. Elle n'avait jamais entendu parler de la famille Torontal. Jamais son regard ne s'était même levé sur cet autel devant lequel elle passait quand elle se rendait à l'église du Rédempteur qui dépend du couvent des Franciscains situé presque à l'entrée du Stradone. Elle ne connaissait donc point la fille de l'ancien banquier de Trieste. Il fallut que Pierre la lui dépeignît moralement et physiquement, qu'il lui dît où il l'avait vue pour la première fois, comment il ne pouvait douter que son amour fût partagé. Et tous ces détails, il les donna avec une ardeur que Madame Bathory ne fut point surprise de trouver en l'âme tendre et passionnée de son fils. Mais lorsque Pierre lui apprit quelle était la situation de la famille Torontal, lorsqu'elle sut que cette jeune fille serait une des plus riches héritières de Raguse, elle ne put dissimuler ses inquiétudes. Le banquier consentirait-il jamais à ce que son unique enfant devint la femme d'un jeune homme sans fortune, sinon sans avenir? Toutefois, Pierre ne trouva pas nécessaire d'insister sur la froideur, sur le dédain même, avec lequel Silas Torontal l'avait jusqu'alors accueilli. Il se contenta de répéter les paroles du docteur. Celui-ci lui avait affirmé qu'il devait avoir confiance en l'ami de son père, qu'il se sentait pour lui une affection quasi paternelle, ce dont Madame Bathory ne pouvait douter, sachant ce qu'il avait déjà voulu faire pour elle et les siens. Enfin, comme son fils, comme Boric, qui crut devoir donner son avis, elle ne se refusa pas à espérer, et il y eut un peu de bonheur dans l'humble maison de la rue Marinella. Puis, Pierre Bathory éprouva encore cette joie de revoir Sava Torontal le dimanche suivant à l'église des Franciscains. La physionomie de la jeune fille, toujours un peu triste, s'anima quand elle aperçut Pierre qui était comme transfiguré. Tous deux se parlèrent ainsi du regard et se comprirent. Et quand Sava rentra à l'hôtel, vivement impressionnée, elle emportait une part de ce bonheur qu'elle avait si visiblement lu sur le visage du jeune homme. Cependant, Pierre n'avait point revu le docteur. Il attendait une invitation de retourner à bord de la goélette. Quelques jours s'écoulèrent, mais aucune lettre ne vint lui donner un nouveau rendez-vous. « Sans doute, pensa-t-il, le docteur aura voulu prendre des informations. Il sera venu ou il aura envoyé à Raguse pour avoir quelques renseignements sur la famille Torontal. Peut-être même a-t-il tenu à connaître Sava. Oui, il n'est pas impossible qu'il ait déjà vu son père, qu'il l'ait pressenti à ce sujet. » Pourtant, une ligne de lui, rien qu'un mot, m'aurait bien fait plaisir, surtout si ce mot avait été « venez ». Le mot n'arriva pas. Cette fois, Madame Bathory ne parvint pas sans peine à calmer les impatiences de son fils. Il se désespérait, et maintenant ce fut à elle de lui rendre un peu d'espoir, bien qu'elle ne fût pas sans inquiétude. La maison de la rue Marinella était ouverte au docteur, il ne pouvait l'ignorer, et même sans ce nouvel intérêt qu'il portait à Pierre, l'intérêt que lui inspirait cette famille, pour laquelle il avait déjà manifesté tant de sympathie, n'eût-il pas dû suffire à l'attirer? Il arriva donc que Pierre, après avoir compté les jours et les heures, n'eut plus la force de résister. Il lui fallait à tout prix revoir le docteur Antekirt. Une invincible force le poussait vers Gravosa. Une fois à bord de la goélette, on comprendrait son impatience. On excuserait sa démarche, même si elle était prématurée. Le 7 juin, dès 8 heures du matin, Pierre Bathory quitta sa mère, sans rien lui dire de ses projets. Il sortit de Raguse et gagna Gravosa d'un pas rapide, que Pointe-Pescade aurait eu quelque peine à suivre s'il n'eût été si alerte. Arrivé sur le quai, en face du poste de mouillage qu'occupait la Savarena à sa dernière visite, il s'arrêta. La Savarena n'était plus dans le port. Pierre chercha du regard si elle n'avait pas changé de place, et il ne l'aperçut pas. À un marin qui se promenait sur le quai, il demanda ce qu'était devenue la goélette du docteur Antekirt. La Savarena avait appareillé la veille au soir, lui fut-il répondu, et de même qu'on ignorait d'où elle était venue, on ne savait pas davantage où elle était allée. La goélette partit, et le docteur Antekirt aussi mystérieusement disparu qu'arrivé. Pierre Bathory reprit le chemin de Raguse, cette fois plus désespéré que jamais. Certes, si une indiscrétion avait pu révéler au jeune homme que la goélette avait fait voile pour Cattaro, il n'eût pas hésité à l'y rejoindre. Mais en réalité, ce voyage aurait été inutile. La Savarena, arrivée devant les bouches, n'y était point entrée. Le docteur, accompagné de Cap Matifou, s'était fait mettre à terre par une des embarcations du bord. Puis le yacht avait aussitôt repris la mer pour une destination inconnue. Il n'est pas de plus curieux endroit en Europe, et peut-être dans tout l'ancien continent, que cette disposition à la fois orographique et hydrographique qui est connue sous le nom de bouche de Cattaro. Cattaro n'est point un fleuve, comme on serait tenté de le croire. C'est une ville, siège d'un évêché dont on a fait la capitale d'un cercle. Quant aux bouches, elles comprennent 6 baies, disposées à la suite l'une de l'autre, communiquant entre elles par d'étroits canaux, et que l'on peut traverser en 6 heures. De ce chapelet de petits lacs qui s'égrènent à travers les montagnes du littoral, le dernier grain, situé au pied du mont Nori, indique la limite de l'Empire d'Autriche. Au-delà commence l'Empire ottoman. C'est à l'entrée des bouches que le docteur s'était fait débarquer, après une traversée rapide. Là, un rapide canot à moteur électrique l'attendait pour le conduire à l'extrême baie. Après avoir doublé la pointe d'Ostro, passé devant Castel Nuovo, entre deux panoramas de villes et de chapelles, devant Stolivo, devant Perasto, célèbre lieu de pèlerinage, devant Risano, où les costumes dalmates se mélangent déjà aux costumes turcs et albanais, il arriva de lac en lac au dernier cirque, dans le fond duquel est bâti Cattaro. L'électrique 2 était mouillée à quelques encablures de la ville, sur ces eaux endormies et sombres que pas une ride ne troublait pendant cette belle soirée de juin. Mais ce ne fut point à bord que le docteur alla prendre logement. Sans doute, pour les nécessités de ses projets ultérieurs, il ne voulait pas que l'on sût que ce rapide appareil de locomotion lui appartenait. Aussi débarqua-t-il à Cattaro même, avec l'intention de descendre dans l'un des hôtels de la ville où Cap Matifou devait l'accompagner. Quant au canot qui les avait amenés tous deux, il se perdit au milieu de l'obscurité, sur la droite du port, au fond d'une petite anse où il devait rester invisible. Là, à Cattaro, le docteur allait être aussi inconnu que s'il eût été se réfugier dans le plus obscur coin du monde. C'est à peine si les Botchets, les habitants de ce riche district de la Dalmatie, qui sont slaves d'origine, devaient remarquer la présence d'un étranger parmi eux. À la voir de la baie, on dirait que la ville de Cattaro est construite en creux dans l'épaisseur du mont Nori. Ses premières maisons bordent un quai, conquis sur la mer sans doute, au fond de l'angle aigu du petit lac dont la pointe s'enfonce dans le massif montagneux. C'est à la pointe de cet entonnoir, d'un aspect très riant, avec ses beaux arbres et ses arrière-plans de verdure, que les paquebots, principalement ceux du Lloyd, et les grands caboteurs de l'Adriatique, viennent accoster. Dès le soir même, le docteur s'occupa de trouver un logement. Cap Matifou l'avait suivi sans même demander où il venait de débarquer. Que ce fût en Dalmatie ou en Chine, peu lui importait. Comme un chien fidèle, il allait où allait son maître. Il n'était qu'un outil, une machine obéissante, machine à tourner, machine à forer, machine à percer, que le docteur se réservait de mettre en jeu dès qu'il le jugerait nécessaire. Tous deux, après avoir dépassé les quinconces du quai, franchirent l'enceinte fortifiée de Cattaro. Puis ils s'engagèrent à travers une série de rues étroites et montantes dans lesquelles fourmille une population de 4 à 5 000 habitants. C'était le moment où l'on refermait la porte de mer, porte qui ne reste ouverte que jusqu'à 8 heures du soir, excepté le jour où arrivent les paquebots. Le docteur eut bientôt reconnu qu'il ne se trouvait pas un seul hôtel dans la ville. Il fallait donc s'enquérir d'un logeur qui consentirait à louer un appartement, ce que d'ailleurs les propriétaires de Cattaro font volontiers, non sans profit. Le logeur se trouva, le logement aussi. Le docteur fut bientôt installé dans une rue assez propre, au rez-de-chaussée d'une maison suffisante pour lui et pour son compagnon. Tout d'abord, il fut convenu que Cap Matifou serait nourri par le propriétaire, et bien que celui-ci eût fait des prix excessifs que justifiait l'énormité de son nouvel hôte, l'affaire fut réglée à la satisfaction des parties contractantes. Quant au docteur Antekirt, il se réservait le droit de prendre ses repas au dehors. Le lendemain, après avoir laissé Cap Matifou libre d'employer son temps comme il le voudrait, le docteur commença sa promenade en allant à la poste où lettres et dépêches devaient lui être adressées sous des initiales convenues. Rien n'était encore arrivé à son adresse. Il sortit alors de la ville dont il voulait observer les environs. il ne tarda pas à trouver un restaurant passable, dans lequel se réunit le plus ordinairement la société qatarine, officiers et fonctionnaires autrichiens qui se considèrent là comme en exil, pour ne pas dire en prison. Le docteur n'attendait plus maintenant que le moment d'agir. Voici quel était son plan. Il était décidé à faire enlever Pierre Bathory. Mais cet enlèvement, à bord de la goélette, pendant sa relâche à Raguse, eût été difficile. Le jeune ingénieur était connu à Gravosa, et comme l'attention publique avait été attirée sur la Savarena ainsi que sur son propriétaire, l'affaire, en admettant qu'elle réussit, se serait rapidement ébruitée. Or, le yacht n'était qu'un bâtiment à voile, et si quelque steamer du port se fût mis à sa poursuite, il l'aurait rapidement gagné de vitesse. À Cattaro, au contraire, l'enlèvement pouvait s'opérer dans des conditions infiniment meilleures. Rien de plus aisé que d'y attirer Pierre Bathory. Sur un mot du docteur, envoyé à son adresse, il n'était pas douteux qu'il n'accourût immédiatement. Là, il était aussi inconnu que le docteur lui-même. Et dès qu'il serait à bord, l'électrique prendrait la mer, Pierre Bathory apprendrait alors tout ce qu'il ignorait du passé de Silas Torontal, et l'image de Sava s'effacerait devant le souvenir de son père. Tel était ce plan d'une exécution très simple. 2 ou 3 jours encore, dernier délai que s'était fixé le docteur, l'œuvre serait accomplie. Pierre serait à jamais séparé de Sava Torontal. Le lendemain 9 juin, arriva une lettre de Pointe-Pescade. Elle demandait qu'il n'y avait absolument rien de nouveau du côté de l'hôtel du Stradone. Quant à Pierre Bathory, Pointe-Pescade ne l'avait plus revu depuis le jour où il s'était rendu à Gravosa, 12 heures avant l'appareillage de la goélette. Cependant, Pierre ne pouvait avoir quitté Raguse, et très certainement, il restait enfermé dans la maison de sa mère. Pointe-Pescade supposait, et il ne se trompait pas, que le départ de la Savarena devait avoir amené cette modification dans les habitudes du jeune ingénieur, d'autant plus qu'après ce départ, il était rentré chez lui, désespéré. Le docteur résolut d'agir dès le lendemain, en écrivant une lettre à l'adresse de Pierre Bathory, lettre qu'il inviterait à venir le trouver immédiatement à Cattaro. Un événement très inattendu allait changer ses projets et permettre au hasard d'intervenir pour arriver au même but. Le soir, vers 8 heures, le docteur se trouvait sur le quai de Cattaro lorsqu'on signala l'arrivée du paquebot Saxonia. Le Saxonia venait de Brindisi, où après avoir fait escale, il avait pris des passagers. De là, il se rendait à Trieste en touchant à Cattaro, à Raguse, à Zara et autres ports de la côte autrichienne sur l'Adriatique. Le docteur se tenait près de l'appontement qui sert à l'embarquement et au débarquement des voyageurs. Quant aux dernières lueurs du jour, son regard fut comme immobilisé par la vue d'un voyageur dont on transportait les bagages sur le quai. Cet homme, âgé d'une 40aine d'années environ, l'air hautain, impudent même, donnait ses ordres à voix haute. C'était un de ces personnages que l'on sent mal élevés, même quand ils sont polis. « Lui, ici, à Cattaro ?» Ces mots se seraient échappés des lèvres du docteur, s'il ne les eût retenus, non sans peine, et en réprimant le mouvement de colère qui enflamma son regard. Ce passager était Sarkany. 15 ans s'étaient écoulés depuis l'époque où il remplissait les fonctions de comptable dans la maison du comte Zatmar. Ce n'était plus, au moins par le costume, l'aventurier que l'on a vu errer dans les rues de Trieste au commencement de ce récit. Il portait un élégant habit de voyage sous un cache-poussière à la dernière mode, et ses malles, avec leur cuivre multiple, indiquaient que l'ancien courtier de la Tripolitaine avait des habitudes de confort. Depuis 15 ans, d'ailleurs, Sarkany n'était pas sans avoir mené une existence de plaisir et de luxe, grâce à l'énorme part qui lui avait été attribuée sur la moitié de la fortune du comte Sandorf. Que lui en restait-il? Ses meilleurs amis, s'il en avait, n'auraient pu le dire. En tout cas, son visage portait des signes de préoccupation, d'inquiétude même, dont la cause eût été difficile à discerner au fond de cette nature si fermée. D'où vient-il? Et où va-t-il? Se demandait le docteur, qui ne le perdait pas de vue. D'où venait Sarkany? Il fut aisé de le savoir en interrogeant le commissaire du Saxonia. Ce passager avait pris le paquebot à Brindisi. Mais arrivait-il de la Haute ou de la Basse Italie? On ne le savait pas. En réalité, il venait de Syracuse. Sur la dépêche de la Marocaine, il avait immédiatement quitté la Sicile pour se rendre à Cattaro. C'était à Cattaro, en effet, antérieurement pris comme lieu de rendez-vous, que l'attendait cette femme dont la mission semblait être terminée à Raguse. L'étrangère était là, sur le quai, attendant l'arrivée du paquebot. Le docteur l'aperçut, il vit Sarkany aller à elle, il put même entendre ces mots qu'elle lui dit en arabe et qu'il comprit. Il était temps. Sarkany ne répondit que d'un signe de tête. Puis, après avoir surveillé la mise en consigne de ses bagages à la douane, il entraîna la Marocaine vers la droite, de manière à contourner l'enceinte de la ville sans y entrer par la porte de mer. Le docteur eut un mouvement d'hésitation. Sarkany allait-il lui échapper? Devait-il le suivre? En se retournant, il aperçut Cap Matifou qui, comme un bon badaud, regardait le débarquement et l'embarquement des passagers du Saxonia. Il ne fit qu'un geste. L'Hercule arriva aussitôt. « Cap Matifou, lui dit-il en montrant Sarkany qui s'éloignait, tu vois cet homme ?»« Oui. Si je te dis de t'en emparer, tu le feras ?»« Oui. Et tu le mettras hors d'état de s'enfuir s'il résiste ?»« Oui. Souviens-toi que je veux l'avoir vivant. » Oui. Cap Matifou ne faisait pas de phrases, mais il avait le mérite de n'en parler que plus clairement. Le docteur pouvait compter sur lui. Ce qu'il avait reçu ordre de le faire, il le ferait. Quant à la Marocaine, il suffirait de l'attacher, de la bâillonner, de la jeter dans quelque coin. Avant qu'elle eût pu donner l'alarme, Sarkany serait à bord de l'électrique. L'obscurité, bien qu'elle ne fût pas profonde encore, devait faciliter l'exécution de ce projet. Cependant, Sarkany et l'étrangère continuaient à suivre l'enceinte de la ville sans s'apercevoir qu'ils étaient épiés et suivis. Ils ne se parlaient pas encore. Ils ne voulaient le faire, sans doute, que dans quelque endroit où ils savaient trouver un abri sûr. Ils arrivèrent ainsi près de la porte du Midi, ouverte sur la route qui conduit de Cattaro aux montagnes de la frontière autrichienne. Là est un marché important, un bazar bien connu des Monténégrins. C'est en ce lieu qu'ils trafiquent, car on ne les laisse entrer dans la ville qu'en nombre très restreint après les avoir obligés à déposer leurs armes. Le mardi, le jeudi, le samedi de chaque semaine, ces montagnards viennent de Niégous ou de Sétigné, ayant fait 5 ou 6 heures de marche pour apporter des œufs, des pommes de terre, de la volaille et même des fagots dont le débit est considérable. Or, ce jour était précisément un mardi. Quelques groupes, dont les opérations n'avaient fini que fort tard, étaient restés dans ce bazar afin d'y passer la nuit. Il y avait là une trentaine de montagnards, allant, venant, causant, discutant, disputant, les uns déjà étendus sur le sol pour dormir, les autres faisant cuire, devant un feu de charbon, un petit mouton enfilé d'une broche de bois à la mode albanaise. C'est là que Sarkany et sa compagne vinrent se réfugier, comme en un lieu qu'ils connaissaient déjà. De là, en effet, il leur serait facile de causer à l'aise, et même d'y rester toute la nuit, sans aller courir à la recherche d'un logement incertain. Depuis son arrivée à Cattaro, d'ailleurs, l'étrangère ne s'était pas inquiétée d'un autre domicile. Le docteur et Cap Matifou entrèrent l'un après l'autre dans ce bazar fort obscur. Au fond crépitaient çà et là quelques foyers sans flamme, et par conséquent sans clarté. Toutefois, dans ces conditions, l'enlèvement de Sarkany devait être d'une exécution difficile, à moins qu'il ne le quittât avant le jour. Le docteur put donc regretter de ne pas avoir agi pendant ce trajet de la porte de mer à la porte du Midi. Mais il était trop tard maintenant. Il n'y avait plus qu'à attendre pour profiter de toutes circonstances qui se présenteraient. En tout cas, le canot était amarré derrière les roches, à moins de 200 pas du bazar. Et non loin, à 2 encablures, on pouvait confusément apercevoir la masse de l'électrique, dont un petit feu, hissé à l'avant, indiquait le mouillage. Sarkany et la Marocaine avaient été se placer dans un coin très obscur, près d'un groupe de montagnards endormis déjà. Ils auraient donc pu s'entretenir de leurs affaires, sans risquer d'être entendus, si le docteur, enveloppé de son manteau de voyage, n'eût réussi à se mêler au groupe, dont sa présence n'éveilla pas l'attention. Cap Matifou se dissimula de son mieux, mais se tint à portée d'obéir au premier signe. Sarkany et l'étrangère, par cela seul qu'ils employaient la langue arabe, devaient se croire assurés que personne ne pourrait les comprendre en cet endroit. Ils se trompaient, puisque le docteur était là. Familier avec tous les idiomes de l'Orient et de l'Afrique, il n'allait pas perdre un mot de cet entretien. « Tu as reçu ma dépêche à Syracuse ?» dit la Marocaine. « Oui, Namir, » répondit Sarkany, « et je suis parti dès le lendemain avec Ziron. »« Où est Ziron ?»« Aux environs de Catane, où il organise sa nouvelle bande. » « Il faut que demain tu sois à Raguse, Sarkany, et que tu aies vu Silas Torontal. »« J'y serai, et je l'aurai vu. »« Ainsi, tu ne t'es pas trompé, Namir ? Il était temps d'arriver ?»« Oui, la fille du banquier. »« Ah, la fille du banquier !» répéta Sarkany d'un ton si singulier que le docteur ne put s'empêcher de tressaillir. « Oui, sa fille, » répondit Namir. « Comment, elle se permet de laisser parler son cœur ?» reprit ironiquement Sarkany. « Et sans mon autorisation ?»« Cela te surprend, Sarkany ? Rien de plus certain, pourtant. Mais tu seras bien autrement surpris quand je t'aurai dit quel est celui qui veut épouser Sava Torontal. » Quelque gentilhomme ruiné, désirant se remonter avec les millions du père. « En effet, » reprit Namir, « un jeune homme de haute origine, mais sans fortune. »« Et cet impertinent se nomme ?»« Pierre Bathory. » Pierre Bathory ? » s'écria Sarkany. « Pierre Bathory, épouser la fille de Silas Torontal ?»« Calme-toi, Sarkany, » reprit Namir en contenant son compagnon. « Que la fille de Silas Torontal et le fils d'Étienne Bathory s'aiment, ce n'est plus un secret pour moi. Mais peut-être Silas Torontal l'ignore-t-il encore ?»« Lui, l'ignorer ?» demanda Sarkany. « Oui, et d'ailleurs, jamais il ne consentirait. »« Oh, je n'en sais rien !» répondit Sarkany. « Silas Torontal est capable de tout, même de consentir à ce mariage, ne fût-ce que pour tranquilliser sa conscience, s'il s'est refait une conscience depuis 15 ans. Heureusement, me voilà, prêt à brouiller son jeu, et demain je serai à Raguse. » « Bien, » répondit Namir, qui semblait avoir un certain ascendant sur Sarkany. « La fille de Silas Torontal ne sera pas à un autre que moi, Namir, et avec elle je referai ma fortune. » Le docteur avait alors entendu tout ce qui lui était utile d'entendre. Peu lui importait maintenant ce qui pourrait se dire entre l'étrangère et Sarkany. Un misérable venant réclamer la fille d'un autre misérable, ayant le droit de s'imposer à lui, c'était Dieu qui intervenait dans une œuvre de justice humaine. Désormais, il n'y avait plus rien à craindre pour Pierre Bathory que ce rival allait écarter. Donc inutile de le mander à Cattaro. Inutile surtout de chercher à s'emparer de l'homme qui prétendait à l'honneur de devenir le gendre de Silas Torontal. « Que ces coquins s'allient entre eux et ne fassent qu'une même famille, » se dit le docteur. « Ensuite nous verrons. » Puis il se retira, après avoir fait signe à Cap Matifou de le suivre. Cap Matifou, qui n'avait pas demandé pourquoi le docteur Antekirt voulait faire enlever le passager du Saxonia, ne demanda pas davantage pourquoi il renonçait à cet enlèvement. Le lendemain, 10 juin, à Raguse, les portes du grand salon de l'hôtel du Stradone s'ouvraient vers 8h30 du soir et un domestique annonçait à haute voix « Monsieur Sarkany ».«